30 ans se sont passés depuis ma sortie de bosser sans que je m'en sois rappelé le séjour d'une manière agréable par des souvenirs un peu liés. Mais, depuis qu'ayant passé l'âge mûr, je décline vers la vieillesse, je sens que ces mêmes souvenirs renaissent, tandis que les autres s'effacent et se gravent dans ma mémoire avec des traits dont le charme et la force augmentent de jour en jour. Comme si, sentant déjà la vie qui s'échappe, je cherchais à la ressaisir par ses commencements. Les moindres faits de ce temps-là me plaisent par cela seul qu'ils sont de ce temps-là. Je me rappelle toutes les circonstances des lieux, des personnes, des heures. Je vois la servante ou le valet agissant dans la chambre, une hirondelle entrant par la fenêtre, une mouche se poser sur ma main tandis que je récitais ma leçon. Je vois tout l'arrangement de la chambre où nous étions. Le cabinet de M. Lambercier à main droite, une estampe représentant tous les papes, un baromètre, un grand calendrier, des framboisiers qui, d'un jardin fort élevé dans lequel la maison s'enfonçait sur le derrière, venaient ombrager la fenêtre et passaient quelquefois jusqu'en dedans. Je sais bien que le lecteur n'a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j'ai besoin, moi, de le lui dire. Que n'osais-je lui raconter de même toutes les petites anecdotes de cet heureux âge qui me font encore tressaillir d'aise quand je me les rappelle. 5 ou 6, surtout. Composons. Je vous fais grâce des 5, mais j'en veux une seule, pour qu'on me la laisse compter le plus longuement qu'il me sera possible pour prolonger mon plaisir.